Alors mon cher Loapo, quand on a bien mangé, bien bu, et ensuite qu'est-ce qu'on fait mon cher? Oui mon cher Mangwana, c'est très simple, on danse. On danse avec la musique. On danse avec le tout puissant Okedja. Okedja. Okedja. Du grand maître Loapo Magiani. Exactement. Yeah! Attaquez! Bonsoir à tous. Pardon. Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. Bienvenue pour ce 14e épisode du No Form Grooves éclectique. Toujours bien sûr présenté par la Société des Ambianceurs, le Docteur Pili Pili, moi-même, le fils de Bizet de France, Petit Bizet. Docteur Pili Pili qui va arriver d'un moment à l'autre, mais du coup. Sur ce superbe morceau coopération de Sam Mangwana et de Franco, je vais quand même vous présenter un invité de prestige. Mon beau-père qui sera avec nous ce soir pour ce prestigieux spécial musique du Congo, René Villeneuve. René, comment vas-tu? Écoute, ça va bien. C'est du bonheur d'écouter cette musique et on peut caler bien avec ça. Nickel, nickel. Écoute René, moi je te propose qu'on se mette, qu'on se fasse plaisir un petit peu dans la tradition, comme la tradition congolaise le veut. Et je vais t'appeler papa ce soir. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, c'est super. Ok, nickel. Ouais. Ça le fait comme ça. Pour ceux qui se rappellent, donc René Villeneuve, c'est l'artiste qui a illustré l'insert de la version collector du deuxième disque de la Société des Ambianceurs, donc à savoir le Mbotena Beno volume 2. Donc il a créé un dessin d'inspiration africaine tribale et qui justement donc se mariait magnifiquement avec l'ambiance de la musique, avec l'ambiance du disque et puis bien sûr avec la Société des Ambianceurs. Alors que notre cher docteur Pili Pili vient d'arriver accompagné de monsieur Nabil Boquet. Comment ça va? 1, 2, 1, 2. Et voilà, on est sur les ondes de Radio Usine. Comment ça va les gars? Bien, un petit peu à la forme. La grande forme. Cool, ça fait plaisir. Bon, chaud pour ce spécial Congo ou quoi les gars? Très très chaud. Bon alors, pour se faire plaisir, moi je me suis dit qu'on pourrait commencer tout doucement avec un petit Pamelo Munka, transfuge de la de l'un des plus grands groupes de musique africaine, à savoir les Bantous de la capitale. Partisan. T'es partisan, toi, tu dis ? Toi, tu es partisan des groupes de Brazzaville. Ah, mais bien sûr, étant donné que je suis presque brazzavillois de naissance. Allez, on va s'écouter José Agi sur l'album éponyme, justement. Donc Pamelo Munka avec l'accompagnement des Bantous de la capitale. Donc José Agi, c'est parti. Josia, Josia, une société. Josie Agi, Pamelo Munka. Donc Pamelo, l'un des grands chanteurs de rumba congolaise, qui malheureusement nous a quitté il y a une petite vingtaine d'années là. Mais on se lasse pas d'écouter sa bonne rumba comme ça, d'origine, je répète, brazzavilloise. Allez mon cher Pili, qu'est-ce que tu nous as concocté là? Alors là, on va écouter une petite chanson de Taboulé Rochereau avec l'African Fiesta National, en 66-67, quelque chose comme ça. Donc Taboulé Rochereau, on va peut-être pas le présenter parce que ça va prendre du temps, mais on va laisser la place au petit crépitement de ce vieux micro-sillon que je t'ai amené et que tu n'as qu'à envoyer. Donc Taboulé, juste pour info, c'est près de 10 000 titres quand même. Voilà. Et puis aussi dire que salutations à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, qui sont toujours plus nombreux. Je crois qu'on a eu un pic de 8 personnes la semaine dernière. Exactement. Donc peut-être qu'on va entrer en bourse bientôt. Allez, on y croit. On écoute Anna Mokoy de l'African Fiesta National. tienes, oh colotero, oh colotero, oh colotero. Ena na sabia mo, mezi ma bata niere. Ena na sabia mo, me ben me alele lo na mo koyo, mo akam. Mwana mukoya o mwana mukoyo o mwana nga bobi amor nde akwa de mola na katye nke me kie bata nyere ina nga sabi amor me ben malele lo na mukoya o mwana mukoya o mwana mukoyo. Oh, mwana nga borbi amor, nde akwa de omala na katye nke, ena nga sabi amor. Oh, mama, yeah, yeah. bakangona kina o mama ona longola susi bakana kwela bikwela kwela mame bakala wa kwela bikwela kwela mame mobali na bala bilingali kamame bala bakembo tala kwe mame bala bakembo bikwela kwela mame bala bakembo bikwela kwela chere bala bakembo bikwela kwela mame. Thank you. Vadios Mabenga, petite tuerie donc dénichée à Brazzaville l'an dernier. Pour la petite histoire, Vadios Mabenga, c'est un peu lui qui aura lancé Papa Wemba et Evoloco Joker. Mais bon, il y a beaucoup de mauvaises langues qui diront que non. Mais moi, je n'ai rien à faire et je le dis. Donc Vadios Mabenga, voilà, là. Qui a tourné un peu avec le TPOK Jazz, qui a tourné un petit peu avec Ici Philo Collet, justement, et malheureusement, qui sera mort dans l'indifférence la plus totale. Mais nos formes grooves éclectiques, hein, c'est l'occasion de lui rendre hommage. Donc voilà, en 2017, il y a encore des tarés qui écoutent du Vadios, et voilà quoi. Mon cher Pili, avec quoi on enchaîne là ? Avec un immense classique de la rumba congolaise, on va enchaîner avec l'African Jazz donc de Joseph Kabasele. La musique un petit peu qui a accompagné l'indépendance, qui s'appelle Table Ronde, justement la Table Ronde qui a eu à Bruxelles en 59-60, quelque chose comme ça, peu avant l'indépendance, avec... Docteur Nico, un immense guitariste extrêmement connu de tous ceux qui écoutent. Le plus grand que Jimi Hendrix venait saluer quand il était à Paris. Donc un immense guitariste. Deschaux, son frère. Brazos à la basse. Et puis j'oublie qui là. Donc Grand Calais. Donc Joseph Kabasele qui chante en fait l'indépendance, et on est encore dans une période d'espérance. Lumumba est autour de la table à Bruxelles en 1960, avant évidemment de se faire assassiner dans la province du Katanga quelques mois plus tard, et d'être renversé par notre ami à la toque de Léopard Mobutu. Le Léopard d'Afrique. Voilà. Donc on écoute cette chanson pleine d'espoir qui annonce l'indépendance, un morceau aussi contemporain d'indépendance cha-cha pour les amateurs de rumba congolaise. Effectivement. Donc un immense tube avec, je le répète, les frères Nico Kasanga et Deschaux aux guitares. Allez, c'est parti, Table Ronde. Table ronde, Nadelboy, table ronde, Malopez, indépendance, Mouningaï, Table ronde de l'orchestre de l'African Jazz. C'est le moment pour nous de faire quand même un petit point sur la rumba congolaise. Mon cher docteur, qu'est-ce que tu en penses? Alors ouais, c'est quand même intéressant de parler de ces allers-retours qu'il y a eu entre évidemment les Caraïbes, l'Amérique du Sud et les côtes du golfe de Guinée. Donc la rumba congolaise est arrivée, enfin la rumba donc cubaine est arrivée sur les côtes de tous les grands ports, un petit peu notamment en Côte d'Ivoire, les grands ports qui longent donc le golfe de Guinée, et en fait ils ont fait un petit peu tous les grands ports de la côte guinéenne, et puis ils sont parvenus après au Congo par le fleuve Congo, et ils sont la rumba congolaise a enfin, la rumba cubaine a pu justement s'infiltrer un petit peu dans ces terres parce que justement la musique n'était pas réservée uniquement comme dans tous les pays de l'empire mandingue, c'est-à-dire Guinée, Sénégal, qu'est-ce qu'il y a encore comme le Mali, etc., qui était où la musique était réservée à une élite, donc les griots. Et donc, ce qui n'est pas du tout la culture au Congo. Donc, ça a pu quand même toucher un large public et se répandre un petit peu plus facilement. Donc, ça passait par les magasins, enfin les marins dans les ports, les marins qui venaient des Caraïbes et d'Amérique latine amenaient des 78 tours à l'époque dans les ports. Ces 78 tours dans les ports de Côte d'Ivoire étaient généralement échangés ou troqués ou vendus à des gens qui étaient des crewmen. Les crewmen, c'est une communauté de Côte d'Ivoire qui faisait du transport de marchandises, qui transportait notamment des grumes sur toute la côte, et qui ont, eux, justement... un petit peu apporté tous ces 78 tours qui ont été passés dans un premier temps dans des échoppes tenues par des marchands grecs. Il y avait pas mal de Grecs qui ont monté des petits labels justement. Effectivement, ouais. les, euh, les plus vieux enregistrements de rumba donc qui ont été enregistrés à Kinshasa, c'est sont des éditions le nom de cet éditeur en tout cas est à consonance grecque, c'est ça finit par un Il y a Opika, il y a Lonin Giza, mais Opika, je crois que c'était justement des frères qui étaient grecs, qui ont commencé à presser les premiers disques. Et puis, évidemment, au début, il y avait un type qui avait un gramophone, qui passait ses disques, qui faisait danser un petit peu les gens. Et petit à petit, les jeunes se sont mis à jouer. À reproduire ces musiques et puis à les enrichir aussi d'apports un peu plus folkloriques venus des terres. Donc c'est ce qui donne aussi ce truc très particulier à la rumba congolaise, donc un mélange de rumba cubaine et aussi avec un apport justement de la langue véhiculaire bantou, le lingala, qui sonne très bien. Il faut reconnaître que même si on ne comprend pas la langue, on peut apprécier la sonorité de la langue. Et voilà, donc c'est un peu le début de la rumba congolaise qui va évoluer aussi en ajoutant ces petites guitares justement qui font penser à des lamellophones pour ceux qui voient ce que c'est, un petit instrument qui se joue avec le pouce, avec des lamelles de métal qu'on appelle le likembe aussi au Congo. Et, exactement. Donc voilà, ce qui est intéressant à dire, c'est que justement, c'est tous ces esclaves qui étaient partis d'Afrique reviennent avec une musique qui est jouée par des descendants d'esclaves dans les Caraïbes ou en Amérique latine, et ça revient sur les côtes africaines pour être réapproprié et sublimé, justement, je devrais dire, parce que justement, ouais. Comme tu dis, justement, donc c'est l'apport de ces rythmes latins. Avec justement l'ajout de rythme un peu plus tribal, c'est justement ça qui donne donc cet accord septième, c'est ça, seven, le sebené. Voilà. Et étant donné que faut pas oublier qu'on est en Afrique, que ce sont des blédards, donc ce seven il s'est transformé en sebené, et pour finir qui donne sebené. Exactement. Donc, le sebené, c'est vraiment la guitare typique congolaise. C'est ce qu'on entend dans les chauffées. Le sebené, ouais, c'est surtout un moment du morceau généralement à la fin qui permettait aux danseurs de d'improviser un peu, mais surtout aux musiques. Enfin, en général, c'est un motif qui se répète à la guitare, sur lequel un soliste, des fois il y avait jusqu'à trois guitares dans les orchestres congolais, donc il y a toujours un motif qui se répète, assez lancinant. C'est ce qui fait que les danseurs peuvent se faire plaisir. Et puis sur ces motifs qui se répètent, le soliste faisait un solo, et voilà, donc là le sebené c'est vraiment quelque chose qui est propre à la rumba congolaise et après au soukous quoi plus tard. T'as un sebené à nous passer? Enfin, il y en a dans quasiment dans tous les morceaux, hein, mais là donc dans le morceau suivant là que je vais passer, donc de Nelly Okemba sur l'album éponyme justement, donc qui est sorti en 84. Donc Nelly Okemba c'était le leader du groupe l'orchestre Télémusique, et donc là le morceau qu'on va passer c'est Mwanambanga. Et qui est vraiment un morceau particulier parce que c'est le sebené reste vraiment le cœur du morceau, et on va dire que on a une basse et véritablement un rythme qui arrive mais vraiment en fin de morceau. Donc c'est un morceau qui est vraiment déroutant mais en même temps qui est tellement joli. Donc quand je l'ai découvert, j'ai dû l'écouter peut-être une centaine de fois d'affilée quoi. Et puis pour info, donc souvent les 45 tours à l'époque étaient évidemment une face était trop courte pour contenir un morceau de 6-7 minutes. Donc on avait une partie 1 sur la face A, qui était généralement une partie qui amenait un petit peu qui posait un petit peu les bases, et une partie 2 qui amenait ce sebené qui était plus voué aux danseurs et à l'improvisation des musiciens. Voilà. Donc généralement on a sur beaucoup de 45 tours de rumba congolaise deux morceaux, un sur la face A, un sur la face B, et une partie 1, une partie B, qui sont en fait le même morceau, mais qui ne tiennent pas sur une face, malheureusement. Du reste, c'est pour ça que le morceau Mbuta, qui est sur notre deuxième compilation, c'est pour ça que c'est Mbuta premier, en fait, hein, parce que donc c'est juste la première partie du morceau, quoi. Voilà. Et avant de balancer la musique, je vous promets qu'on va la balancer. J'en profite pour saluer Aloko qui vient nous rejoindre, donc Aloko d'Ataya. Comment ça va, Poto? Écoute, ça va bien. Cool, mec. Ça, franchement, je suis ça ravi va d'être là. Nous, on est ravis de t'avoir avec nous pour ce premier spécial musique congolaise. Et j'avais une petite question comme ça. Ton pseudonyme Aloko, d'où ça vient? Parce que Aloko, c'est les bananes plantains, mais tu t'es baptisé Aloko par rapport aux bananes plantains ou pas du tout? Bah si, c'est ça. Et ça m'a valu pas mal de blagues après de mes amis ivoiriens. Parce qu'ils n'imaginaient pas un DJ qui puisse s'appeler Aloko. De leur point de vue, moi en fait j'étais 2 ans en Côte d'Ivoire, enfin on va dire en colocation avec des Ivoiriens, ici à Genève. Ok. Et je mangeais de la Aloko, j'écoutais les sons ivoiriens avec eux. Et après ça, je me suis dit c'est logique, il va falloir que je m'appelle Aloko, quoi. Voilà, je trouvais que ça sonnait bien. Pas mal de gens pensaient que c'était un truc latino qui avait en rapport à la folie. Et j'ai dit non, c'est les bananes plantains. Mes potes ivoiriens me disaient t'as intérêt à l'assumer parce que vraiment ça, c'est doux. Ah mais carrément. Mais tu le portes bien, mec. Hein. Ça, crois-moi, c'est quelqu'un qui consomme de la Aloko à s'en faire péter le bide. Donc t'inquiète pas, mec. Bon, en tout cas, vous êtes bien calés sur le No Form Groove Éclectique présenté par la Société des Ambianceurs. Je rappelle nos invités ce soir, René Villener, mon papa, Nabil Boquet et ce très cher Aloko qui vient de nous rejoindre. Avec la Société des Ambianceurs, on entre, okay. On sort, K.O. Allez, c'est parti, Nelly Okemba, pour vous ce soir. Mbakali, 1, 2, 1, 2. Voilà, toujours sur Eclectic, No Form Grooves Eclectic pour être plus précis. On va écouter à présent un morceau de La Frise Internationale de 1973, je crois. Et donc, Taboulé Rochereau, dont on a parlé. Est-ce qu'on en a parlé avant? Je ne sais pas. Oui, on en a parlé avant. Oui, on a écouté un Amokoy de Taboulé Rochereau, donc un morceau beaucoup plus tardif. Donc Taboulé Rochereau, qui a un petit peu voyagé aux États-Unis, a eu la chance de voir James Brown en concert, et il a du coup décidé de changer un petit peu sa formation, étoffer un petit peu sa section cuivre. Il recrute Seska Molenga, donc un grand batteur qu'on a eu l'occasion avec qui on a eu l'occasion de parler un petit peu nous autres, la Société des Ambianceurs. On aimerait bien le faire venir jouer ici, il est toujours en activité. Donc il y a Seska Molenga, qui est un batteur, un très très grand batteur. Il engage aussi des choristes, des danseuses, les Rocherettes, un petit peu à la mode de James Brown. On est à l'époque aussi des immenses orchestres de soul avec plusieurs batteurs, avec des choristes, d'immenses sections cuivre. Donc voilà, ça ressemble un petit peu à ces sections, à ces orchestres de soul américains. Et puis, donc, certains prétendent que donc Taboulé Rochereau a posé un petit peu les bases du soukous, donc une musique un petit peu plus rythmée, un peu avec un peu moins de, avec peut-être un peu moins de cuivre, un peu plus de guitare. Et puis là, on écoute un morceau qui date de 73. Vous verrez, c'est un changement assez radical. Je laisse au seigneur Taboulé Rochereau le soin de nous présenter ses musiciens. Citoyennes, citoyens, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons le grand plaisir de vous présenter la grande formation internationale La Frisa. Et pour débuter, nous allons commencer par les rythmes. Petit à petit, on va vous les présenter, vous en serez très contents. Otumba, le fameux Ama. Odrum, à la batterie, Molenga. À la basse, le chef d'orchestre, Kola, alias Philo. Au revoir, écoute cela. Oh. À l'accompagnement, Lokasa Yambongo, Lokasa Yazaï, Monsolo. À la guitare solo, Mavatikou, alias Michelino, grand compositeur. Et au saxo ténor, le soliste, le meneur, Mpompo DS. Come on! saxo deuxième voix, mécanici, modéro. À la trompette, première partie, le doyen de l'orchestre, Vieux Biolo. Et la deuxième partie, à la trompette, Mzenze, Papé Ababo. Oh. Et voilà, maintenant les voix, successivement, nous avons, présentez-vous, Malao Enesi. Et le chanteur-compositeur que vous n'ignorez pas, qui va se présenter, comment vous appelez? Kassana Kachama, alias Karimouzo. C'est la voix de Taboulay, votre serviteur. Vous avez au bureau, vous avez au management, au bureau d'autres grands managers, le big manager, Wango, ici Nyoma, Célija, Philo, au boulot, envoyez l'orchestre, montez! Thank you. Oulé Oulé, mais écrit Oule Oule de du superbe de l'orchestre Bella Bella des frères Soki, donc dans lequel on retrouve un jeune Niboma au cœur, donc bien qu'il ait été directement à l'origine de la création du groupe, il avait quand même une place très en retrait par rapport à Soki Vangu et à Soki Diasenza, donc pour ce morceau qui est daté du début des années 70, ça rejoint tout à fait donc ce que disait notre cher Pili Pili au début, c'est-à-dire que ce qui s'est passé un tout petit peu avant et après le combat du siècle, Rumble in the Jungle, donc le combat de Mohamed Ali contre George Foreman et l'arrivée et la venue de James Brown à Kinshasa, capitale anciennement Léopoldville, capitale du Zaïre. Quand il est venu, en fait, il est arrivé avec ce funk qui a littéralement fait valser énormément d'orchestres zaïrois et surtout aux écuries VV. Et justement, l'orchestre Bella Bella s'est engouffré goulûment dans cette vibe funky, donc d'où les petites gimmicks en anglais qu'on peut entendre ici et là dans le refrain et le You Got to Keep Her qui est scandé comme ça tout au long du refrain par Soki Vangu. Donc là, je répète, hein, c'était l'orchestre Bella Bella avec Niboma, non ? Avec Niboma au cœur, effectivement. Voilà. Donc ça tombe bien, parce qu'on enchaîne avec un morceau de Niboma avec les Camalais Dynamiques. Donc Niboma qui a commencé sa carrière très très tôt au sein du groupe Negro Succès, je crois au début des années 70. Et puis fin 70. C'était le groupe de Bavon. Ouais, j'ai dit quoi? T'as dit au début des années 70. Ouais. Bon, on va pas jouer les geeks, c'est pas ça le plus important. Voilà, et puis à la mort justement de Bavon, Marie-Marie, qui était le frère cadet de Franco Niboma, Franco Luambo Makiadi, dit Franco, sauf erreur, qui est décédé d'un accident de voiture en apprenant une mauvaise nouvelle. Donc il a rejoint, je sais plus exactement. À quelle période il y a eu d'abord Bella Bella, il y a eu ensuite Lipua Lipua, et puis ensuite je crois qu'il a remplacé aussi Sam Mangwana au sein des African All Stars. Exactement. En Côte d'Ivoire, quelque chose comme ça. Mmh. Et puis là, on va écouter un son assez tardif, je crois que c'est début 80, avec les Camalais Dynamiques, qui était le groupe de Niboma quand il a quitté Verkis, justement les écuries Verkis, qui soit dit en passant était un escroc qui mettait son nom un petit peu sur certains groupes, dont les Bamboula par exemple, qu'il a rebaptisé les Kiam, enfin Verkis Kiamma, quelque chose que... Tu te souviens de son vrai... Pas du tout, non. Voilà. VV ou Verkis. En apposant son nom sur un groupe de jeunes talentueux qu'il a rebaptisé par le début de son nom. Voilà, on écoute un morceau qui me fait toujours penser à ma sonnerie de téléphone. Parce que je l'ai eu pendant longtemps comme sonnerie de téléphone. Voilà. Yayo kitoko etambwisinga imoto mama e. Sheri Zaisa opesinga liboma. Sheri Zaisa opesinga liboma mama e. Yeah, natamboli bala bala ngama pona kotuna kayo naleki epaya majana epayo zalaki kofutela balobi na ngayo siyo bima bayebe payo kendete ezongaki nga bongo na mawa nakomi komikanisa angelo zali wapi nga na bebi motema Bébé moté ma mwanga molukio to monana Lelona tamboli bala bala ngama bona kotuna kayo Naleki epaya majana epaya zalaki kofutela Balobi na ngayo siyo bima bayebe payo kendete Ezonga ki mabongo na mawa Mi kanisa angelo zali wapi Nana baby motema Angel Lelo natamboli kini mobimba Suka na suka balobi nga izo bana Angel Ebongi opesa mikolo yeko kito kutana Na miziki ya fiesta sukisa Bongo neto bina Ange Lelo na tamboli kini mobimba Suka na suka balobinga izoba na lemi Ange Ebongi opesa mikolo eko kito kutana Na miziki ya fiesta sukisa Bongo neto bina Sayasika Ebongi tobina Kirikiri mabina ya mboka Mabina ya fiesta ya sika Ebongi tobina Kirikiri mabina ya mboka Mabina ya fiesta ya sika Ebongi tobina Docteur Nico et l'orchestre African Fiesta, Kirikiri Mabina Yasika. Voilà, c'est exactement donc du ce qu'on appelait à l'époque du Kirikiri, ce petit break de Sébéné comme ça qui arrive très tribal. Voilà, petite tuerie. J'en profite pour passer une petite dédicace à Didier Grostet, hein, des frangins des Babtou. Les gars, vous nous écoutez, vous faites plaisir. Franchement, vous inquiétez pas que mercredi, on va vous écouter aussi. Sam, Samy, hein, mec, on est là, t'inquiète. On sait que t'écoutes aussi. Petite dédicace à la dame de Montreuil, maman. Dédicace à maman Martine aussi. Maman Nadine, petite Janelle, gros bisous de la part de papa. J'espère que vous passez un excellent moment, toujours bien calé sur la radio de l'usine, l'émission No Form Groups Éclectiques, la société des ambianceurs et le frangin Aloco qui est venu avec quelques petites plaques, qui va se faire plaisir aussi. Donc bah voilà, hein, Éclectique, hein, c'est une émission, comme on avait dit, où on va laisser le temps à un petit moment justement... à des amis, anonymes ou non, professionnels de la musique ou pas, de venir s'exprimer, de passer un petit peu de son comme ça. Et donc, c'est un honneur, un grand plaisir de laisser le cousin là vous balancer quelques rythmes afro. Donc, prise de contrôle de d'Aloco. C'est parti, cousin. Ok, on enchaîne avec Samanguana et Georgette Ekins. Georgette, à moi, la maman Ekins, tu m'as rendu très malade. Ce soir, sans doute, quand tu passeras, je serai encore plus malade. Georgette, à moi, la maman. Georgette, à moi, la maman. Je dirai tout à Delphina. Passera, je serai encore plus malade. Georgette, à moi, na maman. Georgette, à moi, na maman. Je dirai tout à Delphina. Moi j'ai planté pas pu donner. Moi j'ai planté Ignam, Ignam n'a pas pu donner. Moi j'ai planté l'amour, je récolte trahison. Moi j'ai planté confiance, je récolte déception. Georgette à moi, ma maman, tu m'as rendu très malade. Je dirai tout à Delphina, au Katinga Imotema. Thank you. Chérie, on aime. groupe là. Donc là, on était avec Bopol, Mariage Forcé. Donc c'est mini-set d'Aloco. Merci cousin, franchement ça a fait plaisir là, les petites vibes que tu nous as balancées. C'était puissant là, surtout ce mariage forcé qui bien qu'un peu tardif hein, parce que c'est 83, il y a quand même une superbe vibe, un génial CBN. Franchement parfait. Aloco est parti, c'est toilette forcée là. Pas de souci. Allez, on va rapidement avec la deuxième partie de O Miguel de l'orchestre Tout Puissant Hockey Jazz, hein, Tout Puissant Hockey Jazz, qui est la chasse garde, qui était la chasse gardée de Franco. Donc on s'écoute ça tout de suite. Si vous avez une petite heure devant vous, on va vous expliquer un petit peu qui était Franco. Ouf, une heure, il faudra une journée, je crois. Ouais. Thank you. Yeah. Papi motema a changé modèle mwana ya mama papa masange boya ngaite parege ya ninyo onga sans souci na komi kolangwa langwa e kolangwa langwa e papa masange boya ngaite souci ya ninyo e bongoli papi motema a changé modèle mwana ya mama. Opa masange boya ngaiteo, baregre ya ninyo, onga sansusi. Ah, taliki moko, sansusi, SS. Susi ya ninyo, ebongo li papi motema, a change modele, mwana ya mama. Opa masange boya ngaiteo, baregre ya ninyo, onga sansusi. Na komi kolangwa langwa e, kolangwa langwa e, opa masange boya ngaite. Susi ya ninyo, e bongo li papi motema e, a change modele e, mwana ya mama. Thank you. Ok, ben c'est tout doucement l'heure pour nous de rendre, pas de rendre l'âme, mais de rendre l'antenne. Donc on va remercier tout doucement donc tous les intervenants aussi discrets qu'ils ont été cette soirée là. Donc mon papa René Villeneuve qui lui a déjà pris la poudre d'escampette. Nabil Boquet, mon cher alcoolite. Docteur Pili Pili, a.k.a. Yapili, a.k.a. le sorcier blanc, Natsukan, et le frangin Aloko qui nous a fait l'honneur, la grâce, la concession, la joie de sa petite sélection. C'était très bon, très doux. Franchement, ça fait plaisir, un truc de fou. Et là tout de suite, là, on enchaîne avec les frangins de CYN. Maga qui se cache. Mais les gars, en tout cas, là, je sais qu'ils sont OP. Comment ça va, les gars, là? Vous pouvez dire un petit bonjour, étant donné que les micros sont branchés. Cool, ça fait plaisir. Bon, les mecs, on a une bonne transition pour vous. Juste le temps de saluer. Hein. Donc, merci d'avoir passé ces deux heures. Plus en compagnie des ambianceurs pour ce 14e épisode du No Form Grooves Éclectique, toujours sur la radio usine. On vous souhaite de passer une excellente fin de soirée avec du bon putain de rédime, une bonne semaine, et on se retrouve donc la semaine prochaine. Mon cher docteur, prends soin de toi. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. CYM, vous êtes là ou quoi? Yes, no form. Toujours un grand plaisir. Wicked Selection. Allez, c'est parti. It's reggae time now.